1. Pierre apporte le paquet à la poste. 2. Le bébé boit son biberon. 3. Philippe fait des efforts. 4. Valérie vit sa vie à Versailles. 5. Arbre, mon ami vert, ne pars pas en enfer.